Bonsoir. Bienvenue à cette conférence de la Saint-Valentin, ayant pour titre... Saint-Valentin, oui. Saint-Valentin. Ah, c'est parce que j'avais pas mon calendrier. C'est qui ça, Saint-Valentin? C'était... Ah oui, c'est moi, il faut qu'il réponde. Valentino, c'est vrai, c'est moi qui pose les questions. La conférence est censée avoir pour titre « Réussir là où nous échouons ». Censé. Il y a des lois que j'ai nommées encore, parce que vous avez pu remarquer que depuis un bout de temps, on essaie d'énumérer les lois et de les numéroter, parce qu'on nous semble qu'on les retient mieux comme ça quand on les définit. On se rappelle qu'il y en a trois, ou qu'il y en a deux, ou qu'il y en a quatre. Les premières lois d'involution que tu as déjà mentionnées sont... La première, c'est le collectivisme. Pourquoi c'est une loi d'involution, le collectivisme? Ben, premièrement, parce que le fait d'être collectif, ça oblige les individus à attendre après autrui pour s'autoriser à avancer. Alors, si on a un troupeau, s'il y a un chef sur le troupeau, quand le chef avance, tout le troupeau avance. Quand le chef tourne à gauche, tout le troupeau tourne à gauche. Sauf que si on a un troupeau pas de chef, nécessairement, tout le troupeau reste là. Et c'est pourquoi, traditionnellement, on aura des bergers, que ce soit au niveau catholique, que ce soit au niveau de n'importe quelle religion, on aura aussi des chefs de gouvernement, qui, à un moment donné, vont venir expliquer aux gens qu'eux connaissent, eux voient clair, eux peuvent être suivis. Et là, ils vont commencer à démarcher dans l'évolution et le troupeau va suivre. Et c'est pourquoi on parlait donc, encore même au niveau de l'Église catholique, c'est encore plus évident, il y a le berger puis il y a les moutons. Les moutons, c'est frustrant, ça fait suiveux. Les brebis, bon. Une brebis, c'est rien que la femelle. Puis quand t'es mouton noir? Ben là, évidemment, tu fais partie de la race africaine ou haïtienne. Mais c'est la même religion. Est-ce que c'est pas quand t'es mouton noir que tu fais partie des lois d'évolution? Tu sais, est-ce que tu deviens le mouton noir des lois d'involution? Ça dépend. Tu peux être un mouton noir dans les lois de l'involution quand tu es extrêmement archaïque, vieux. Et tu peux faire partie de être un mouton noir et être régi par les lois de l'évolution parce que justement tu amènes des choses qui ne sont pas régies par le collectivisme. Alors le fait d'être collectif, ça a certains avantages, c'est qu'on se sent normal. Donc le fait d'être un petit peu en dessous, eh bien parce qu'on s'énergise en buvant au collectivisme, on se sent bien. Ça a un inconvénient, le moindrement qu'on commence à être supérieur, bien on se fait drainer par le collectivisme. Donc le collectivisme dans la conscience, c'est l'une des lois de l'évolution, c'est-à-dire... Quand je parle d'involution, c'est que si tu peux avancer à 50 km à l'heure, si tu avances à 30 km à l'heure, tu perds 20 km à l'heure. Tu involues. La société, en général, le système planétaire avance, mais il avance à un pas collectif. Et un pas collectif, c'est un pas où on s'enfarge à peu près tout le monde les uns sur les autres. Donc, si on attend toujours après les autres pour s'autoriser à avancer, et si tout le monde fait cela, nécessairement on attend. Comme j'ai déjà dit, la société, au niveau de l'évolution, c'est un peu comme un cercle d'humains. Où tout le monde suit l'autre en avance, étant sûr que l'autre sait où ce qu'il va. Puis tout le monde se suit en sachant que l'autre sait où ce qu'il va, puis c'est un cercle. Fait que si on se met tout en cercle ici, puis vous me suivez parce que je sais où je vais, bien moi je te suis parce que tu sais où tu vas, toi tu suis madame ici parce qu'elle sait où ce qu'elle va, puis finalement ça se suit tout jusqu'à temps que, bref, celui qui est en avant, il suit celui qui est en arrière, dans le cercle. Le collectivisme, c'est cela. Un coup de vent nous tasse un petit peu, là, mais ça avance lentement. C'est l'une des lois de l'évolution, être collectif. Vouloir être à la mode, souffrir de ne pas l'être. Vouloir être à la mode alimentaire, souffrir de ne pas l'être. Vouloir être à la mode théologique, souffrir de ne pas l'être. N'importe quelle forme de mode, vestimentaire ou autre, ça fait partie du collectivisme et ça rend l'humain normal, mais ça brise le fait qu'il est naturel. Seulement, seul l'être humain naturel peut avancer sans souffrance. La deuxième loi, c'était le désir du libre-arbitre. Ou l'illusion du libre-arbitre? C'est-à-dire que le désir est une loi d'involution. Quand l'être humain désire évoluer, l'être humain désire manger quelque chose. Si j'entends parler d'un gâteau et que je sais que le gâteau, c'est extrêmement bon, à un moment donné, je vais désirer avoir un gâteau. Un gâteau, c'est rond. Ça a une... Bon, le gâteau qu'on parle, un gâteau au chocolat, ça a une couverture brune dessus, etc. Et ça a une certaine consistance, avec peut-être des petites fibres de dedans des fois, peut-être qu'il y a des petits raisins. Alors, c'est le gâteau. Je veux absolument un gâteau. Alors, un jour, dans ma quête du gâteau, je traverse un champ de vaches. Bon. Et puis là, ben, je vois des gâteaux partout à terre. Bon, je goûte au gâteau, puis c'est pas aussi bon que j'aurais pensé. Bon. Celui qui cherche un chapeau, ben, il se trouve libéré. C'est bon. L'idée, c'est que quand on a un désir, on ne peut pas être... On n'est pas capable, avec un désir, de s'ajuster à l'instantanéité d'une découverte. Étant donné qu'on a déjà une vision de la découverte à l'intérieur de soi, on projette et on essaie de s'arranger pour que la découverte rentre avec ce que l'on projette. Regarde bien ceci. Imaginez que vous avez une projection du gâteau, ou d'un arbre, ou de n'importe quoi, on va dire du gâteau. Vous avez une espèce de désir du gâteau, donc vous avez un filtre flou où on voit un peu la forme du gâteau, mais il manque des morceaux. Quand vous voyez une bouse de vache, vous placez votre filtre dessus et le filtre va améliorer la vision de la bouse de vache. Et là, on se dit, c'est ça. Mais quand on goûte, c'est pas ça. Et là, après ça, on se dit, crime, je me suis fait avoir. C'est parce qu'on a raison de dire que le gâteau au chocolat est peut-être bon au goût, mais cesse de le projeter. Le désir, c'est un problème parce que le désir engendre le fait que l'humain veut aller à la pêche. Et le désir vient supporter l'idée fautive que l'humain peut contrôler sa pêche. Quand vous allez à la pêche, contrôlez-vous le poisson? Non. Donc, vous n'avez pas de libre arbitre en tant que pêcheur de poisson. Le problème, donc, le désir va engendrer dans la conscience humaine l'idée que l'être humain a un libre arbitre. Que c'est lui qui décide sa vie, alors que c'est faux. Que c'est lui qui mène sa vie, alors que c'est totalement faux. Et que c'est lui qui pense sa vie, alors que c'est aussi totalement faux. Est-ce que le fait qu'on est habitué à penser avoir un libre arbitre, je prends ton exemple de pêcheur, qui serait capable de dire, ben, je vais changer l'hameçon, je vais changer de place, je vais aller pêcher 3 pieds plus loin. On considère que ça, c'est le libre arbitre, puis qu'en réalité, on n'a pas le contrôle du poisson. Non. Pourquoi? Parce que le pêcheur se dit, je vais changer l'hameçon, c'est du libre arbitre. Pourquoi il change l'hameçon? Parce que il réagit au fait que le poisson ne mord pas. Il est réactionnel. Je vais pêcher 3 pieds plus loin. Pourquoi? Ben, crime, ça ne mord pas là. Pas du libre arbitre. Et c'est ça le problème qu'on a. On est toujours convaincu qu'on a du libre arbitre. Alors qu'on est toujours en train de s'ajuster à la preuve qu'on n'a pas de libre arbitre. Bon, j'ai changé de loterie, je ne gagnais pas à celle-là. Mais c'est ça, c'est pas du libre arbitre. Je mange plus ça, ça me rend malade. Mais c'est ça, c'est pas du libre arbitre. Tu es toujours obligé de t'ajuster à plein de situations uniquement parce que tu n'as pas de libre arbitre. Alors lorsque l'humain pense avoir un libre arbitre, c'est là qu'il s'illusionne qu'il doit travailler pour réussir. Alors que travailler, puis travailler, puis travailler, ça puise ton temps, ça puise ta matière, ça puise ta vie. Ça te collectivise, ça fait que tu ne peux pas péter plus haut que les autres. Puis, ben, ça te fait de toi un citoyen qui aura vécu comme tout le monde. Mais on t'aura haï un peu, on t'aura aimé un peu, mais c'est fini là, tu n'auras pas assez pour te oublier. L'idée du libre arbitre est dangereuse. Pourquoi? Parce que justement, l'individu se rentre en quête. Quête de l'argent, quête d'un emploi, quête de la paix, quête de l'évolution, quête de Dieu. Et tout le long de sa quête, il ne peut pas trouver parce que c'est dans l'immobilité que tu trouves, c'est pas dans le déplacement. Le désir engendre la marche engendre l'idée que si je me mets à marcher, c'est que je peux quand même diriger mon chemin. Quand vous conduisez votre automobile, avez-vous un libre arbitre? Bien, vous suivez la route. C'est pas un libre arbitre de suivre la route. Tu as le libre arbitre de dire je vais à Québec ou à Montréal. Même pas. Parce que pourquoi faut-il aller à Québec si ça se fait à Montréal? Oui, mais là, un instant, n'empêche que l'individu n'a pas de libre arbitre. L'individu, tous les humains n'ont pas le visage qu'ils auraient voulu avoir. Les humains vieillissent à un moment donné. Est-ce qu'on veut vieillir? Bien, les barbites, il faut qu'on aille à la pêche longtemps. On achète des billets de loterie pour perdre, si on a du barbites, on n'en achète pas pour gagner parce qu'on perd. Bon, quand on gagne, on est content. Pourquoi? Parce qu'on s'y attendait pas. C'est pas les barbites, cherche-le pas. Quand on a une maladie, est-ce qu'on le voulait? Quand on a un accident, est-ce qu'on le voulait? Les férus du barbites vont dire, ben oui, vous le vouliez inconsciemment. Ben oui, on peut s'amuser longtemps comme ça à se leurrer. Et le libre arbitre, l'idée du libre arbitre dans la conscience humaine, ça va engendrer la troisième loi de l'involution, qui est la culpabilité, la force motrice de la peur. Si j'ai un libre arbitre, ça veut dire que je peux faire des erreurs. Alors, quand un parent éduque son enfant, puis à un moment donné, l'enfant commence à se droguer, quelles sont les erreurs que le parent a fait? Le parent va vous dire, avoir su, j'aurais pas fait ça. Mais c'est ça, il ne savait pas. Il n'y a pas de libre arbitre. Le parent ne voulait pas que le fils se drogue ou la fille se drogue. C'est comme ça. Pas de libre arbitre non plus. L'homme n'a même pas le libre arbitre entre le bien et le mal. La preuve, il fait des choses et une fois qu'il les a fait, il se dit « Ah, ça n'a pas donné le résultat que je voulais, il a fait le mal. » Après, il peut discerner le bien et du mal, pas avant. Par l'expérience, il finira par comprendre la nuance. Mais encore une fois, chaque fois qu'un événement neuf va se passer, quand on dit est-ce qu'on devrait faire l'euthanasie, on hésite. On ne peut pas discerner le bien du mal. Mais pourquoi l'homme n'a pas cette faculté d'être capable de discerner le bien du mal? Parce que l'être humain est convaincu que le bien et le mal, ça existe. Il ne peut pas discerner. C'est une création de l'homme, c'est une création de l'humain, le bien et le mal. C'est puis, une polarité de la psychologie. Oui, les erreurs qu'on peut commettre, on s'en rend compte, comme tu dis, après. Puis après, on dit, si j'avais su, j'aurais pas fait ça. Mais justement, donc, si j'avais su, pas une erreur. Pourquoi on ne le savait pas avant? Parce que tu ne peux pas, l'être humain n'est pas encore assez dans sa phase d'évolution pour faire confiance à ce qu'il a chez lui. Est-ce qu'il sait intérieurement ce qu'il aurait dû faire? Habituellement, oui, s'il est suffisamment à l'écoute de lui. Combien de personnes disent, j'aurais dû écouter ma première idée? Mais la première idée, ce n'était pas une idée. C'est pour ça que l'humain ne l'écoute pas. À un moment donné, je dis, est-ce que je fais ceci ou non? Et puis là, tu as l'impression que oui, mais ça ne fait pas sécréter ton système endocrinien, ça n'accélère pas ton corps, tu ne sens pas l'idée chez toi, ça ne bouge pas dans tes tripes. Alors qu'après ça, tu te dis, peut-être que ça, puis ça commence à avoir une saveur émotive, ça, on va y faire confiance. N'importe quel contact avec l'intelligence supramentale, avec l'ajusteur de pensée, avec notre esprit, avec nous-mêmes, ça n'a pas de répercussion endocrinienne dans le corps physique. Ce n'est pas émotif. Alors, on pense que ça n'a pas de valeur. Alors que l'étude de la pensée astrale, la pensée psychologique, émotive, aura une valeur parce qu'elle est biologique. Et là, on va se faire ramasser dans la majorité des cas. Mais on n'a pas plus de libre-arbitre. Pourquoi? Il y a des leçons. La leçon, c'est l'expérience. L'expérience crée dans la psychologie humaine un échafaud. Alors, la meurtrissure de la souffrance, quand un être humain dit « j'ai tellement souffert que j'ai une vision neuve du monde, j'ai compris des choses, j'ai ceci, j'ai cela. » Oui, mais le problème qu'il y a, c'est que justement, l'expérience planétaire a bâti un échafaud qui te permet maintenant de devenir plus solide, de bâtir un être humain qui un jour pourra traverser vers l'initiation ou vers l'évolution lunaire. Une des deux formes de l'évolution. Elle est, elle, non souffrante. Sauf que l'humain, par l'expérience, se dit « mais j'ai besoin de la souffrance, j'ai besoin de l'expérience. » Pourquoi? Parce que c'est grâce à ça que j'en suis rendu. Oui, mais c'est comme si je vous dis, vous devez marcher 20 000 pour aller acheter une automobile, puis après ça, servez-vous-en pas, continuez à marcher. C'est grâce à la marche que vous avez réussi à avoir l'automobile. Mais à un moment donné, embarque dedans, cesse de marcher. La marche, j'ai rien contre. Vomis pas dessus. Laisse les marcheurs marcher. Mais toi, t'en as plus besoin. L'échafaud, c'est exactement ce qui va arriver à un moment donné. L'être humain, par l'expérience, se crée un échafaud qui lui permet de bâtir une structure d'évolution. Maintenant que tu as ça, abandonne l'évolution lunaire, l'évolution souffrante. Est-ce que ce sont ces lois-là qui font qu'on réussit, qu'on échoue là où on devrait réussir? C'est-à-dire que tu vas réussir tant que tu es collectivisable. Réussir, plus ou moins. C'est le gardien du temps, le gardien de la finance. Quand l'être humain commence à se conscientiser, lorsque l'être humain commence à accepter des choses neuves, lorsque l'être humain commence à refuser des vieilles choses, lorsque l'être humain commence à se poser des questions comme ça, lorsque l'être humain commence à se marginaliser un petit peu dans sa conscience, il devient conscientisable. C'est ce que tu appelles les trois lois d'évolution. La première, c'est l'individualisme, donc c'est l'inverse du collectivisme. Oui. Pourquoi? Parce que l'être humain, automatiquement, s'il commence à se conscientiser, il n'aura pas d'abondance de temps ou d'argent. Il va se ramasser sur une corde raide uniquement parce qu'il doit être forcé par l'expérience à abandonner les archétypes de l'évolution collective, qui est une évolution par rapport à l'individu, pour aborder maintenant une nouvelle phase d'évolution, qui est l'évolution individuelle, l'évolution solaire, où là, l'individu, homme, femme ou enfant, pourra se conscientiser d'une façon différente. Ce ne sera pas méritoire. Donc, il n'y aura pas de souffrance. Tu ne pourras pas dire « j'ai gagné mon ciel ». Ce ne sera pas méritoire. Mais s'il est sur la corde raide ou s'il doit passer par la corde raide, ça peut être considéré comme méritoire, c'est souffrant? Ça va être considéré comme méritoire tant que l'ego n'a pas compris, tant que la conscience de l'homme ou de la femme ne s'est pas suffisamment éclatée à l'intérieur du corps physique. Et la corde raide reste une illusion, parce que la corde raide, tu n'es jamais sur la corde raide. Tu penses être sur la corde raide, tu penses que tu vas tomber, mais tu es à 20 000 du gouffre. Mais tu ne sais pas, tes yeux sont télescopiques, tu vois tout proche, mais il n'y a pas aucun danger. Comme on disait l'autre fois, il n'y a jamais rien de risqué. Ça casse, ça part, ça n'a jamais été risqué. Parce que toi, tu avais un stress émotif, tu disais c'était risqué. C'était pas risqué. Ben oui, c'est risqué, gars, je l'ai manqué. C'était pas risqué. C'était pourri. C'était pas risqué. Bon, quand tu prends un virage sur la glace à 80 km à l'heure, un virage à 90 degrés, c'est pas risqué. C'est suicidaire. Ben c'est ça. C'est pas risqué. Oui, mais j'ai juste réussi à le faire. C'est pas plus risqué. C'est la preuve. Il n'y a aucun risque. C'est sûr, soit que c'est faisable ou ça l'est pas. C'est ça. Alors, la corde raide, c'est un peu la même chose. Tu crois être sur la corde raide, mais les mécaniques s'arrangent pour que tu ne tombes pas. À moins que tu n'appliques jamais, que tu ne comprennes jamais, eh bien là, tu vas descendre l'ascenseur jusqu'à des bas-fonds extrêmement intéressants. Vraiment, ça va être intéressant, là. Du point de vue d'astral, en fait, c'est intéressant, ils peuvent se nourrir. Puis, comme je disais l'autre fois, si tu descends jusqu'à un certain niveau, puis tu commences à emprunter de l'énergie aux autres, ben il va falloir que les autres commencent à descendre aussi. Parce que tant que les autres sont en haut, tu peux pas descendre plus bas. Quand tu es rendu en bas, tu es capable de descendre. Jusqu'à temps que tu arrives à ton bas fond à toi. Jusqu'à temps que tu décides d'appliquer envers et contre toute logique humaine, la logique pycéenne, la logique du passé, des lois neuves, qui sont celles d'être individuel. Vous aimez la face comme elle est, tout le monde l'haït, ben ça les regarde, qui vous haïssent, tant pis pour eux. Ils savent pas ce qui manque. Vous aimez votre conscience, vous aimez votre façon de penser, vous avez des idées bizarres et différentes, parfait. Si vous êtes capable de les supporter, vous commencez à vous diriger vers l'évolution réelle, vers une facilité. L'évolution, ce n'est pas souffrant. Mais l'évolution collective, l'évolution où ce qu'on est 25 000 à passer par la même porte, on s'accroche les coudes en Christi. Est-ce que c'est le refus de l'évolution qui la rend souffrante? C'est pas le refus de l'évolution, c'est la peur, c'est l'incompréhension de l'évolution, et c'est surtout qu'on a tellement pas confiance en ce que nous sommes, que chaque fois qu'on vit un brin d'évolution, on le garde en mémoire et on veut le conserver. Et ça devient un poids lourd. Regardez ceci. Vous vous promenez quelque part et à un moment donné, vous vivez une expérience qui vous rend extrêmement heureux ou heureuse. Pourquoi ça vous a rendu heureux ou heureuse? Parce que vous ne vous y en attendiez pas. Parce que ce n'était pas prémédité. Vous étiez d'une certaine façon dans votre attitude psychologique et mentale. Maintenant, vous l'avez vécu. Quand ça peut revenir, vous avez ça en mémoire. Et ça, c'est l'élément de trop qui fait que vous n'êtes plus comme vous étiez lorsque vous l'avez vécu. Et c'est l'élément qui va vous empêcher de le vivre. Parce que l'humain conserve en mémoire certaines choses, il s'interdit de revivre la même chose. On prend l'exemple d'une personne dans le désert après 40 jours à manger des sauterelles. Bon. Et puis, à un moment donné, il a un contact avec ce qu'il appelle Dieu. C'est formidablement génial. Il goûte. C'est du sentiment. Mais ça le transporte. Une fois qu'il a eu son contact, qu'est-ce qu'il recherche? Le désir. Mais avant, c'était pas prévu. Maintenant, c'est le désir. Et là, il veut ce contact. Il est exactement comme il était, avec un ingrédient de plus. Et c'est cet ingrédient-là qui va l'empêcher de continuer. La mémoire de son contact, c'est de trop. Alors, si l'individu finit par se faire suffisamment confiance, bon, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu du plaisir avec, quand on a fini, on a fini. La fois que je le rencontre, je ne projette pas. Je suis ce que je suis. Je risque fortement, c'est pas risqué, mais il y a des grandes chances que j'ai le même résultat. Mais comment tu fais dans la pratique pour être capable de faire ça? C'est-à-dire, tu rencontres quelqu'un, tu as une bonne soirée, tu t'attends automatiquement à ce que la prochaine va être semblable. Oui. Et la prochaine ne peut pas être aussi pure qu'elle aurait dû l'être, pour la simple raison qu'il y a un élément fautif dans ton instantanéité qui est la mémoire. Mais on ne peut pas l'oublier. Oui, on peut l'oublier. Mais si de toute façon on ne peut pas l'oublier, fais-y pas confiance. J'ai fait une conférence, je me mets à chanter. Bon. Je ne le ferai pas. Non. C'est ça l'évolution solaire. Ah, mais les gens pourraient être surpris. Oui, c'est ça. Voilà. Fallait pas. Je me mets à chanter. Et c'est la première fois que je vais à la Place des Arts, puis je fais un petit spectacle à travers un paquet d'autres spectateurs, mais ceux qui fabriquent les spectacles. Et puis, je chante tellement, tellement bien, les gens ovation debout. La deuxième fois que je me pointe devant un public, comment mon ego se promène? Ah, j'ai écrit ce problème. Parce que maintenant, je peux plus les décevoir. Ça fait que tout ce que j'étais pour être parfait, je l'ai pu uniquement parce que j'ai été parfait. Mais c'est pas ça l'évolution. Chaque fois que tu réussis à grimper, ben tu peux plus monter. Pourquoi? Parce que tu as réussi à monter. C'est pas ça l'évolution. Ça crée de gros problèmes. Alors, quand l'être humain réussit un bon coup, c'est parfait, c'est facile, ça va bien. C'est comme ça qu'on doit avancer. Mais parce que l'humain, après ça, veut revivre ça, il y a un ingrédient de trop. Est-ce que la mémoire, justement, est due au fait qu'on est collectif? Si on est individuel, la mémoire, est-ce qu'on la porte parce qu'il y a ceux qui l'ont entendu puis qu'on veut leur redonner la même image? Être collectif, ça peut s'exprimer de deux façons. Vous avez une mémoire de façon à pouvoir communiquer avec autrui vos expériences similaires. Quand on veut absolument partager avec les autres, là, c'est qu'on veut se collectiviser, s'ajuster. L'autre façon d'être collectif, c'est de se synergiser soi-même. Donc, on a aussi notre mémoire, sauf qu'on ne la partage plus, on la refoule, alors on se crée un monde où on devient une forme de surhomme ou de surfemme illusoire. Et puis là, chaque fois qu'on fait quelque chose, là, ben on y repense ce soir, puis on s'aime, puis on aime ça, puis on y va. Ça, c'est pour essayer de se prouver qu'on est individualiste. Ça reste un problème. Tu sais, il y a des autobus pleins, collectifs, là, pleins de collectifs individualistes. Bon. Alors, c'est comme l'individu veut être dit, « Ah, moi, je ne crois pas à rien, moi. Tu non plus, hein? On est bien correct, les deux. Et on va être ensemble. Moi, là, je suis pas collectif. On va aller rejoindre le club des non-collectifs. » C'est ça. Ils sont collectifs. sont collectifs en se disant « je ne suis pas collectif ». Qu'est-ce que c'est être réellement individuel? C'est être naturel, c'est être ce que nous sommes. Ça ne t'empêche pas de sortir et de voir du monde pareil? Ben toi oui, là, mais disons les autres. Là. Être individuel, ça veut-tu dire s'enfermer dans son salon puis boire la porte? Y a-t-il une porte dans ton salon? Non. Mais j'allais en poser une. Si tu m'avais dit oui, je l'aurais posé une. Être individuel, ça veut dire que nous sommes ce que nous sommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes prêts à maintenir ce que nous sommes et ce que nous pensons quand nous avons raison devant tout. C'est simple. Et nous sommes prêts à changer lorsque nous concevons que c'est mieux autre chose, c'est tout. Alors ça veut dire quoi? Vos restaurants, que tu prends toi? Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est ça le collectif. Qu'est-ce que tu prends? Un peu un? Ah, pas moins, non. Qu'est-ce que tu prends quoi? Autrement dit, suggérez-moi d'autres des affaires. Non, non, non, oui. C'est bien simple, c'est toujours comme ça. Ça, c'est le collectivisme. Être individuel, c'est... Il est 10h du matin. Je peux manger un steak à cette heure-ci? Un steak pour déjeuner? Oui, un steak, oui, je peux manger un steak? Ah ben, si vous voulez, oui. Sinon, c'est pas fréquent. Puis, c'est évident que c'est pas fréquent. Les gens, ils s'imaginent qu'après avoir jeûné toute la nuit, il faut qu'ils mangent un œuf. Bon, si ton corps physique a besoin d'un steak avec des patates, tu manges un steak avec des patates, c'est quoi le problème? Tu as géré aussi bien, tu as parti de ta journée comme il faut. Ah oui, mais ça se fait pas. Ça se fait. Amenez-moi en vous allez voir, ça se fait. Prenez des photos. Être individuel, ça veut dire ne pas souffrir de ne pas être collectif. Ça veut dire d'être totalement heureux en se reconnaissant, ça veut dire être capable de se supporter soi-même. C'est de se laisser aller à son désir intérieur. Désir intérieur. Donc, non, mais est-ce que tu ressens, ce que tu ressens qui n'est pas une idée, qui n'est pas une pensée, que tu as le goût de manger un steak, tu manges un steak? Adulte comme vous êtes, de temps en temps, quand vous êtes seul chez vous, est-ce que ça vous arrive de chanter? De c'est... faire juste une tentative. Oh, oh, oh, pas gros, là, un petit peu. Moi, je le fais quand je veux faire du chantage. Disons que ça vous arrange de temps en temps vous chanter ou vous faites une petite stepette danse, c'est une petite niaiserie, là. Quelqu'un rentre dans la pièce, votre mari ou votre femme? Fini. Chante plus, danse plus, step plus, fait plus rien. C'est ça être collectif. Et ça crée un problème parce qu'on est toujours... Savez-vous qu'est-ce qui est extraordinaire chez l'humain ou chez vous? C'est ce que vous êtes. Le problème, c'est que ce que vous êtes n'est jamais là quand il y a quelqu'un. Quand vous êtes vous autres même tout seul, ben n'ayant pas eu personne pour vous accréditer, vous n'êtes pas sûr que vous êtes bon. Puis quand il y a quelqu'un, ben vous le faites pas, il y a un an. C'est inhibé, on est tout pris. C'est ça. Ben, être individualiste, c'est une des premières lois de l'évolution. L'inhibition, on va revenir à une conférence au complet. Là, on fait une conférence comme ça, là, puis les deux, trois prochaines de février, on va élaborer sur certains thèmes qui sont extrêmement utiles. Mais être individualiste ne veut pas dire vouloir te faire seul. Individualiste de conscience. Je ne souffre pas d'être ce que je suis. Je n'ai pas besoin d'être collectivisé, j'ai pas besoin d'être motivé. La deuxième loi de l'évolution, c'est l'onde de forme, l'esthétique. Ben oui. Qu'est-ce que c'est être esthétique? Plaire aux autres? On n'a rien compris. C'est quoi l'onde de forme, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas? L'onde de forme, c'est toutes les énergies qui sont dégagées par ce que nous sommes. Le corps physique dégage une onde de forme. Les vêtements dégagent une onde de forme, la maison dégage une onde de forme, la rue, le soleil, la forêt, les lacs, la nature, tout ce qui a forme dégage une onde de forme. Mais tout ce qui rayonne dégage aussi une onde de forme. Donc, moi j'ai une onde de forme particulière à cause de mes vêtements, toi aussi, tout le monde. J'ai une onde de forme particulière à cause de ma parole, toi aussi, tout le monde. J'ai une onde de forme particulière à cause de mon regard, toi aussi, tout le monde. J'ai une onde de forme particulière par rapport à ce que je rayonne. Toi aussi, tout le monde. La problématique, c'est que mon onde de forme, je ne peux pas la connaître. Alors, je l'émets. L'émettant, elle vous frappe. Vous frappant, elle se mêle à la vôtre. Se mêlant à la vôtre, elle va être maintenant exprimée par vous, colorée par la vôtre. Colorée par la vôtre, elle revient à moi et là, je peux percevoir le résultat. Et si je suis collectif, je vais me fier à ce que vous me retournez. Mais ce que vous me retournez est un mélange de la vôtre et de la mienne. Fait que ta vision de toi-même est toujours teintée de ceux avec qui tu es. Des autres. Alors, j'arrive quelque part et quelqu'un regarde, par exemple, ma bouche, je teste les cravates, tu auras un petit peu croche. Sentez-vous pas frustré, là. Bon. Mais une bouche aussi, ça peut être croche. Pas de problème. Bon. Sauf que c'est plus facile à mettre droit. J'arrive quelque part et la personne me regarde. T'as une boucle, toi? Ah, il me confirme que j'ai une boucle. Mais c'est coloré par plusieurs choses. Oui, j'ai mes cravates étaient sales. Mais c'est plus moi pantoute. Je me collectivise, je me donne des raisons, j'essaie de rentrer dans l'affaire. Oui, j'ai une boucle. Ah, oh, mais ici, tout le monde a des cravates. Ah, ben c'est bien. L'onde de forme, c'est important en ce sens que si moi, je me... dans une onde de forme particulière, et n'importe quel être humain, c'est la même chose, on va exprimer, on va s'autoriser à rayonner certaines choses qui vont être plus pures. Plus pures de ce que nous sommes. Donc, l'individu, par exemple, sans vêtements, peut rayonner quelque chose qu'il va apprécier. À l'instant où quelqu'un se pointe dans la pièce, le retour endoformique, un grand mot, hein, le retour de l'onde de forme va faire en sorte que l'individu va se trouver nu. Il va vouloir s'habiller. Ah, il ne voudra pas s'habiller. Parce que le retour de l'onde de forme, comme tantôt tu donnais l'exemple de ta boucle, c'était verbal, mais ce n'est pas nécessairement verbal. Il peut ne pas y avoir de conversation, puis juste le sentiment qu'on a. Tu rentres dans une pièce, puis tu sens tout un paquet d'affaires, c'est ça. L'onde de forme, c'est qu'on doit absolument imposer l'onde de forme qui nous va à autrui. C'est pas de l'altruisme, c'est de l'évolution. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de t'aplanir par le bas, on va commencer à grimper par le haut. Si vous êtes totalement à l'aise dans ce que vous êtes, vous allez nécessairement être un peu plus souriant, plus heureux, plus heureuse, mieux. Si votre conscience individuelle est capable de supporter vos idées, à un moment donné, vous décidez que vous voulez sortir, vous vous mariez, vous faites ça, etc., etc., parce que c'est vous qui avez décidé ça, c'est implacable, c'est ce que vous allez faire. Mais nécessairement, vous allez être drôlement mieux, plus heureux, plus heureuse. Votre onde de forme étant totalement ajustée à ce que vous voulez exprimer. Progressivement, je devrais m'habituer à vous connaître tel que vous êtes. On parlait de la transparence, à un moment donné, ce sera la même chose. Vous êtes ce que vous êtes. Tant pis pour ceux qui ne peuvent pas vous supporter. Il y aura toujours des humains, de toute façon, qui ne nous supporteront pas. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que parce qu'on est plus libre envers nous-mêmes, ben nécessairement, ce qui a passé va passer drôlement plus librement. On dirige vers l'évolution solaire, vers le plaisir de vivre. Le plaisir. La majorité des personnes, quand ils commencent à se conscientiser, leur gros handicap, c'est juste le collectivisme. Mes parents, mon mari, ma femme, mes enfants, mon entourage, mes voisins, mes ci, mes ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Puis en plus, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est tout. On est toujours, le gros handicap, c'est le collectivisme. Oui, mais je suis pas psychologue, moi, peut-être que j'ai tort. Es-tu bien quand tu me dis ça? Ben oui, mais t'as pas tort! C'est tellement niaiseux. Je donne du lait à mon petit, il est rendu à 3 ans. Puis dans les livres, ils disent, c'est pas bon rendu à 3 ans. Il est-tu en santé ou s'il est malade? Oh, pète le feu! Prends ton livre, mets-le dans le feu. C'est tellement facile, c'est tellement simple. On est toujours en train de chercher, c'est normal ce qui nous arrive. Là, je dors, puis ça me prend une demi-heure. C'est-tu normal? Oh, là, ça me prend une heure. Ah, oh, ben je suis bien en maudit. Ça n'a rien à voir. Si je te dis, non, tout le monde dort en 5 minutes, ah là, t'es malade. Ah là, faut que t'aies un spécialiste. Tout ça parce que tu n'es pas capable de t'autoriser à être ce que t'es. Si ça t'achale de prendre une demi-heure, travaille pour le réduire. Mais ça ne doit pas t'achaler parce que les autres dorment en 5 minutes. C'est ça le collectivisme. Il faut que ça t'achale pour toi. Oui. La troisième loi, c'était l'énergification dans l'évolution. On va revenir énormément là-dessus la semaine prochaine. L'énergification, c'est la capacité qu'un être humain de se bâtir à même de l'énergie. On connaît la motivation, c'est de l'énergisation. L'énergisation, c'est un survoltage, un boostage, quand on parle mal le français. L'énergisation, c'est un survoltage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, vous venez à une conférence, puis vous repartez souvent, bon, survolté, énergisé. Sauf que cette énergie-là, elle va lentement s'en aller. Fait que certaines personnes vont se sentir un petit peu dépressives ou déprimées, par exemple, après une conférence. Pas tout le monde, mais il y en a qui vivent ça. C'est la différence de potentiel. L'énergification, c'est la capacité de cumuler l'énergie pour se construire avec l'énergie. Alors, on commence une réunion. Ça commence mollo. Plus ça va, plus les gens parlent, plus les gens se réchauffent, s'énergisent. À un moment donné, ils sont suffisamment réchauffés que là, c'est parti. Un nouvel arrivant rentre dans la salle de réunion, là, puis là, hop, ça coupe tout. Lui, il absorbe une partie de l'énergie, il baisse tout le monde. Puis là, ben là, il va falloir qu'on reparte avec lui. On part un peu plus haut, mais il va falloir qu'on parte avec lui. L'énergification, cela veut dire être capable de fermer nos portes aux pertes d'énergie. Toute notre vie, on en ramasse plein. Mais on en perd énormément. On en perd par le collectivisme. On partagera énormément notre énergie avec autrui pour se rendre normal. On en perd par les engueulades, par toutes les formes d'expression de l'animal humain, par les dépressions, les chicanes, les peurs, toutes les formes d'expression de l'ego, on perd de l'énergie. Cette énergie-là, non seulement elle nous fait vieillir, elle cumule de la mémoire, on en perd énormément aussi en mémorisant, en conservant des vieilles photos, des vieilles choses qui de temps en temps nous permettent de nostalgiser, de donner de l'énergie à la photo pour qu'elle se remette à vivre. On en perd lorsqu'on travaille avec des êtres humains qui passent leur temps à nous têter. On en perd lorsqu'on essaie de comprendre des choses qu'on n'a pas à comprendre. Tu passes 3 heures par jour à te demander pourquoi tu vis. Mentalisation, c'est dangereux. Tu n'auras pas de réponse. Là, tu n'as pas le temps. Parce que toute pensée est une perte d'énergie. Les pensées sont des pertes d'énergie. Le désir est une perte d'énergie. Puis il y a une nuance. L'émotion est une perte d'énergie. Mais vivre un sentiment. Dernièrement, j'écoutais un film. C'était Fierro, l'été des secrets, je crois. Bon. Là-dedans, on a un jeune enfant qui est totalement teflon pur. Philippe, tout jeune. On a un autre enfant qui est teflon un peu inhibé. Il s'appelle Martin, plus vieux, préadolescent. Et on a un enfant qui n'est pas teflon, qui est adolescent aussi, préadolescent. Lui, il est bien aimé, s'il est le champion de tout, s'il gagne tous les trophées, il est sûr que tout le monde va courir après. L'autre s'en balance. À un moment donné, pendant qu'on écoute le film, on a une personne qui a des larmes qui commencent à couler. Et là, immédiatement, on veut se normaliser. Parce que là, il y a des larmes qui coulent. Là. J'ai même fait mon séminaire de Daniel Kahn, depuis que je pourrais écouter le film. L'affaire qu'il y a, c'est qu'en même temps, elle cherche pourquoi elle pleure, puis elle ne voit pas de raison. Il y a de la beauté dans le film, il y a quelque chose qui va bien. Elle ne voit pas. Ces larmes, qu'est-ce qu'elles font? Elle cumule de l'énergie en regardant le film, parce que quand on regarde un film, que ce soit un mauvais film ou un bon film, on se connecte à toute la mécanique astrale, c'est-à-dire ce qui est dans le monde de la mort, la mémoire, les annales akashiques, la mémoire planétaire, qui a permis au créateur des personnages d'inventer les personnages. L'humain ne crée rien à partir du neuf. Donc, dans l'astral, il y a toute la mécanique pour pouvoir créer ce personnage-là. Quand tu vibres au personnage, tu réincarnes les mécaniques qui ont donné naissance au personnage dans la conscience de l'écrivain ou du scénariste. Donc, on peut dire que tu réincarnes le personnage. On dit le personnage est fictif. Oui, mais ce qu'il l'a créé. Prenons Jonathan Livingston, le goéland. Richard Bach, quand il l'a créé, il est en contact avec des mécaniques qui existent. Quand tu réincarnes le goéland, tu n'auras pas des plumes, mais tu réincarnes l'atmosphère du goéland, l'attitude du goéland de ce qui te plaît. Les personnes, donc la personne, elle regarde le film, et puis à un moment donné, elle commence à... Bon, il y a des larmes. Elle pleure. Elle ne broye pas. Et j'ai déjà expliqué que quand pleurer, c'était inhérent à la perception d'un sentiment. Ce n'est pas de l'émotion. Broyer, c'est quand tu es en beau maudit, puis c'est quand tu es en peine totale, puis là, l'ego y va. Son cœur n'accélère pas, il n'y a pas de sécrétion endocrinienne, elle pleure. Une sécrétion exocrinienne. Qu'est-ce qui se passe? Elle réincarne un ou deux des personnages du film qu'elle aimerait être. Donc, et là, il y a une personne chez elle qui est l'entité morontielle qui s'exprime puissamment et qui attire des choses. En même temps, elle vibre d'un sentiment. Donc, elle est totalement en vibration. Vibrant du sentiment, elle commence à pleurer parce qu'elle rejette de l'anti-homme. Elle rejette des mécaniques qui refusent. Et ça va s'exprimer par une consommation d'énergie qui va être la sécrétion exocrinienne de l'âme. Et il n'y a pas perte d'énergie, on détruit des énergies qui nous inhibent, qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. On les rejette à l'extérieur, puis on se sent mieux et plus libre après parce qu'on laisse rentrer d'autres choses. C'est une forme de nettoyage énergétique. C'est un nettoyage énergétique, ce n'est pas une perte d'énergie. Alors que broyer sera une perte d'énergie. Il y a une nuance. À un moment donné, on pourra la comprendre, c'est évident que pleurer, dans ce genre de perception sentimentique, ce n'est pas émotif, c'est une cumulation d'énergie. Alors que l'individu qui perd son énergie régulièrement, uniquement parce que, bon, il chiale après tout ce qui peut s'arriver dans la société, quand il conduit son automobile égoïquement, il chiale. Quand c'est l'ego là, qui est le maître du contrôleur du corps physique, on brûle énormément d'énergie. On va revenir. Donc, on répète les 3 premières lois d'évolution, collectivisme, désir, peur, culpabilité. Peur et culpabilité étant une. De l'évolution, l'individualisme, l'onde de forme, l'énergification. Puis maintenant, il y a 2 sortes d'évolution. L'évolution solaire, l'évolution lunaire. quelle est la différence entre les deux formes d'évolution? L'évolution lunaire s'adresse à l'animal humain. Je ne dis pas ça péjorativement. Quand, par exemple, messieurs, vous voulez évoluer, etc., tout va bien, vous êtes en pleine méditation, assis en position du lotus, tout ce que vous voudrez, on met une femme à poil devant vous, puis il va y avoir que l'évolution prend un coup. L'animal humain, c'est la partie chez l'être humain qui est toujours en train de travailler corporellement, sécréter endocrinalement, là, il va y avoir plein de sécrétions, et qui nous oblige continuellement à faire des rechutes. Chez la femme, ce sera la même chose, il y a aussi une partie animal humain. L'animal humain, lui, vit en troupeau, il vit en collectif, il fait la guerre, il s'entretue, il s'obstine, il chicane, il chiale, il a peur, il mord, il fait plein de choses. L'évolution lunaire s'adresse à l'animal humain, c'est-à-dire que l'être humain n'a pas suffisamment de solidité dans sa conscience pour être capable d'accepter des chemins seuls. Parce que dans le début, c'est comme pénible d'être seul. Parce qu'à un moment donné, on remet tout en question, puis remettant tout en question, on se retrouve tout seul avec plus rien. Mais ça, c'est, on s'approche là de l'initiation solaire. Autrement dit, à un moment donné, vous allez voir avec vos yeux. Et quand vous allez demander à quelqu'un d'autre de confirmer, vous ne voyez plus avec les yeux collectifs, donc sa vision ne peut pas être la vôtre. Vous devrez être les seuls à vous dire, je vois, et ce que je vois est ce que je vois. C'est pas est-ce que c'est bon ou mauvais. L'évolution lunaire, c'est que tout le monde, on va mettre des lunettes soleil de la même couleur pour regarder le soleil. Tout devient bleu, ou tout devient rouge. Alors, on a une évolution lunaire dans le sens ésotérique où le soleil réfléchi par la lune éclaire le sol, mais c'est moins aveuglant. Par contre, tout est ombragé, tout est comme épeurant. On aura l'idée de l'évolution avec les forces sataniques d'un bord, les forces yaviques de l'autre. On aura plusieurs choses dans le genre, l'idée du mal, l'idée du bien. Et quand on a un petit peu de lumière, ben là on se dit, la lumière, c'est le symbole de l'évolution. Vous avez une torche électrique en pleine forêt, ça rassure. Ça a toujours été comme ça, même dans le passé de l'humain. Mais le soleil, lui, celui qui croit pouvoir regarder le soleil en pleine face, s'aveugle lui-même. Si son corps physique n'est pas prêt, va s'aveugler, va détruire ses yeux. L'évolution solaire, c'est un peu cela. Quand l'humain est rendu à un point où il a une constitution physique, neuronique, endocrinienne, capable de supporter des choses plus directes, alors il s'ouvre vers une nouvelle forme d'évolution. Mais est-ce qu'il s'ouvre lui-même vers une forme d'évolution ou de toute façon il se fait tourner vers le soleil alors qu'il était tourné vers la lune avant? C'est un phototropiste. À un moment donné, il se dirige vers la lumière, il n'y a pas le choix. Il s'ouvre, comme la fleur, elle s'ouvre quand elle est prête. Elle ne décide pas qu'elle est prête. Elle a peut-être bien peur, on ne sait pas, il ne demande pas. Il n'y a pas de risque, comme tu disais, mais est-ce qu'il y a une probabilité que celui qui regardait la lune, qui était capable, avec son corps physique, de supporter une évolution lunaire, qu'il se fasse tourner vers le soleil puis qu'il brûle? Qu'il n'est pas capable de le supporter? Non. Ou est-ce que l'intelligence ne ferait pas ça? Ou... Le moindre moment qu'il commence à se tourner, le soleil fasse peur qu'il va revenir. Ce qui fait qu'on devra apprivoiser le soleil, s'apprivoiser nous-mêmes, se faire confiance progressivement, donc pas trop être pressé d'y aller non plus. Mais le fait de vivre dans l'initiation solaire engendre un paquet de phénomènes intéressants. L'initiation lunaire, elle est méritoire, c'est-à-dire qu'on vous autorisera collectivement à monter un échelon uniquement si vous nous prouvez que vous êtes capable. Donc, on devra prouver à Dieu qu'on l'aime. Prouver à Dieu, après une vie de martyr ici, qu'on mérite le ciel. On devra prouver au prêtre qu'on a été pur. On devra prouver à son patron, ou prouver à ceci, ou prouver cela, qu'on est convenable. On devra se prouver qu'on mérite une santé. Beaucoup d'êtres humains se sont malades uniquement parce qu'ils ne s'autorisent pas à être en santé. Quand on donnait l'exemple d'un avion qui s'écrase, il y a un survivant, bien, cette personne-là se sent coupable d'être vivante. Elle ne s'autorise pas. Elle ne mérite pas ça, elle est convaincue. Elle n'était pas mieux que les autres. Elle est assujettie à une évolution lunaire? Oui, collective. Puis est-ce que le fait de dire, bon, ben, ça ne me dérange pas que tout le monde soit mort, c'est que tu es effectivement sous la... C'est collectif encore. C'est pas, ça ne me dérange pas que tout le monde soit mort. C'est collectif. Tu essaies de te supporter en te manipulant à trouver que. Mais non, tu es vivant. Yeah! C'est tout. Sors de la carcasse avant qu'elle explose. Puis va t'acheter un Big Mac avant que les chaînes ferment le pot. Ça, c'est en Union soviétique. Là. C'est quand même un ouais. Mais tu n'as pas besoin de te dire, ah ben, tu sais, il y a quand même des pires que moi. Il y en a mieux que toi. Mais celui qui subit, ben, il subit pas finalement. Celui qui est sous l'emprise d'une initiation solaire, lui, il souffre pas. Non. Pas du tout. Sauf si, continuellement, il essaie de vouloir sauver l'humanité, de vouloir attendre que l'humanité vienne. Ben là, c'est parce qu'il serait lunaire. Il est collectif et c'est pas long, il va recommencer à souffrir. Il va perdre ses acquis, il va perdre son abondance, il va redescendre où il était. Mais là, on peut pas choisir l'une ou l'autre. On peut pas choisir l'une ou l'autre, mais on choisit l'une ou l'autre. Comment on fait ça? La réponse est facile. Si on est capable d'accepter des choses neuves, autrement dit, ce n'est pas ce que je veux dire, mais je vais le dire, mais ce n'est pas ça. En venant écouter des conférences comme les miennes, on choisit un autre chemin. Mais c'est pas ça que je veux dire. En lisant d'autres des livres, en lisant juste Jonathan Livingston Nogoyela, on n'a pas le choix. Mais c'est pas tout. Je le sais, c'est spirituel. C'est pas mauvais, puis c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que si on va chercher d'autres formes d'informations, on oblige toute notre manipulation à être orchestrée d'une nouvelle façon. On s'auto-manipule? On s'auto-manipule. Donc, nécessairement, en venant chercher des choses neuves, ou en venant, comme j'expliquais à un moment donné, une fois par semaine, si on se rencontre, je ne suis pas un sauveur, ça n'a rien à voir. Moi, je suis une grande gueule, c'est bien différent. Sauf que, histoire de se donner 2 ou 3 heures par semaine à devoir s'arrêter sur tout ce qu'on fait, uniquement pour commencer à juste se laisser penser ou se laisser informer, ou à un moment donné, parler ensemble à l'entraque ou après, de quelque chose d'autre. Bien, nécessairement, tu t'autorises à avoir de l'information qui va faire que quand il va pleuvoir, à un moment donné, ça ne te ramassera plus par les culottes. Ah, c'est le mauvais temps. Il ne sera plus la même saveur. Ah, il pleut. C'est tout. Puis progressivement, tu diriges vers l'initiation solaire où tu vas accepter les choses comme elles sont, puis tu vas tolérer les absurdités, tu ne les accepteras pas, les absurdités. Et tu vas progressivement finir par changer des choses, c'est-à-dire que tu ne changeras rien. Mais ça va changer. Est-ce que le fait de passer de l'initiation solaire, lunaire à solaire, te libère de la souffrance terrestre actuelle? Si tu passes de toute façon, l'initiation lunaire est une évolution de souffrance. Ça, il n'y a rien à faire. On a plein de martyrs là, qu'on vénère, puis etc. Là, bon, il n'y a rien à faire. Même le Nazaréen est obligé de mourir crucifié. Mais lui, c'est un rusé. Il a sacré son camp, puis il a laissé l'ego de l'enfant Jésus sur le corps, sur la croix. Puis c'est lui qui dit, ben Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Christ, donc l'énergie christique, l'énergie supramentale, le rusé, ça n'a pas souffert. Mais effectivement, traditionnellement, ça a toujours été la même affaire. L'humain passe par l'évolution méritoire. Et ça, même, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, ont fait mon séminaire, qui continuent, malgré qu'ils ont l'information, à travailler pour mériter. Quand on parlait, c'est intéressant d'apprendre des choses pour appliquer à un moment donné. Énormément de personnes faisaient, bon, ça, on sait qu'il faut appliquer dès le jeudi, là. Bon. À un moment donné, là, tu sais, il faut commencer à appliquer. Alors, c'est évident que la personne va continuer à avoir toute l'information de ce qui se passe de l'autre côté. Elle va continuer à chioler, à sécréter. Tout à l'heure, il y a une personne qui a fait un séminaire, puis qui l'a refait, puis qui l'a refait. Elle vient, puis j'ai pas ma carte, parce qu'ils payent moins cher ceux qui ont fait le séminaire. Oui, mais vous devez avoir votre carte, là, moi, je vous connais pas, ça, oui, mais vous devriez me connaître! Ah, pour moi, vous n'avez pas fait de séminaire, vous, j'ai 12 $. Ah, il est frustré, oui, non! C'est pas, tu deviens pas snob quand tu fais mon séminaire! Tu t'apprends plus d'informations, puis on jase, passe plein d'affaires, puis quand tu sors de là, il y a beaucoup d'éléments. Mais c'est comme dans n'importe quoi! Il faudra que tu appliques des choses. Tu as plus d'éléments pour appliquer. Si on dit à la personne, tu t'es fait manipuler, ah, elle va dire, oui, effectivement, c'est vrai. Ah, ben, il y a déjà au moins une chose. Sens-toi pas coupable d'être de même. Es-tu d'accord que tu t'es fait ramasser? Oui. Ben, sens-toi bien, parce que c'est toi qui nous intéresse. Pas l'ego en dedans, puis tout, etc. Mais parce que l'humain n'applique pas. Quand on parle d'initiation solaire, c'est pas une théorie, c'est de la pratique. Quand on parle d'initiation lunaire, même chose, c'est de la pratique. Est-ce que le fait, justement, d'accumuler une plus grande masse d'informations, puis de ne pas s'en servir, ne fait pas qu'on reste assujetti à l'initiation lunaire? Plus on accumule d'informations, puis moins on s'en sert, puis on s'écarte. Non, pas le fait d'en accumuler, t'es assujetti. Non, mais de ne pas s'en servir. L'accumuler sans s'en servir. Non. Plus tu en accumules sans t'en servir, plus tu vas finir par t'en servir à un moment donné. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu d'attendre, ça ne vaut pas la peine d'attendre. C'est comme si vous dites, quand j'aurai mon doctorat dans l'initiation solaire, là, je commencerai à l'appliquer. Voyons donc, t'es en première année, t'as appris des bebelles, applique-les tout de suite. Ça, tu passes en deuxième plus rapidement, puis en troisième, tu as sauté en quatrième, puis en cinquième, puis tu t'en vas, c'est allègrement, c'est plaisant. Mais il y a des personnes qui, eux, ont besoin d'en avoir suffisamment qu'à un moment donné, on va juste leur dire, aime vivre, sourit. Puis là, ça va être un corps là, qui va faire que tout ce qu'ils ont appris va commencer à servir. Mais ce qui est dommage, c'est que pendant tout ce temps-là, ces gens-là, et... parce que moi, ça me fait pas mal, mais ça m'achale. Ça t'agace? Ouais, ça m'achale, mais ça m'achale de voir des gens qui, comme ça, oh, ils ne seraient pas fusionnés tout de suite, mais ils seraient drôlement plus intéressants. Tu dis qu'il faut passer par des phases pour l'évolution. Il y en a cinq, je vais les nommer. La croyance, la foi, la désillusion, l'inhibition, puis la révolte. Oui. Peux-tu expliquer ça? Ben oui. Ah ben, explique-les. Il y a plus de phases que ça, mais il y a cinq phases à considérer parce qu'à un moment donné, quand on est dans une de ces phases-là, on ne se reconnaît plus. Comme je dis souvent que comme l'ego, c'est un problème, l'ego. L'ego, c'est tout ce qui vous nuit. L'ego, c'est quoi? C'est que quand vous n'êtes pas capable de dire à quelqu'un quelque chose, c'est l'ego qui vous inhibe. Je parlais la semaine dernière, venez faire une conférence en avant. Votre ego ne voudra pas. Ah oui, mais je connais rien. Pas rien à voir. Moi non plus, je connais rien, puis je parle. Moi non plus. Moi non plus, je pose toujours des questions. Ben, c'est ça. Il te plaît, j'en connais même pas de questions posées. L'ego, c'est un problème. Les phases que va vivre l'ego, il y a cinq phases majeures qu'on connaît, et il y en a plusieurs autres, évidemment. La croyance, c'est nécessaire. C'est par là que l'humain passe pour se libérer. Croire en quelque chose veut dire autoriser l'ego à suivre le chemin. Quand on croit suffisamment, on finit par rentrer dans une forme d'illusion où on finit par considérer que c'est le seul chemin. C'est pas mauvais, mais c'est faux. C'est ça, la foi, la désillusion. Je ne vais pas en mettre plein. Quand tu chemines dans la foi, il y a toujours un moment donné où, parce que tu as été paramétré, tu as essayé de tourner en rond. Le chemin n'est peut-être pas le meilleur, mais au moins tu avances. Bon, il est peut-être chaotique, mais au moins tu avances. Tandis que quand tu es en train de quitter d'une place à l'autre, tu n'avances pas. Ça va te permettre de te placer. Bon, tu avances. Maintenant, ce qui va arriver, c'est qu'en avançant, tu vas créer le désir. Créant le désir, tu projettes le résultat. Projetant le résultat, tu deviens impatient. Étant impatient, tu commences à te frustrer. Commençant à te frustrer, tu colores le résultat. Mais à un moment donné, quand tu arrives là où le chemin devait te mener, c'est pas du tout ce que tu t'attendais. C'est pas le bon gâteau au chocolat. Des illusions des yeux. Là, tu as l'impression que tu t'es fait avoir. Des illusions. Après la désillusion, il y a... L'inhibition. C'est moi qui réponds aux questions. Ben oui, c'est hein? L'inhibition, qu'est-ce que ça vient faire? Ça vient faire que maintenant qu'on est désillusionné, pour ne pas retourner en arrière ou refaire un chemin similaire, il va se passer que chez nous, il va s'engendrer une mécanique très transparente, donc on ne peut pas mettre de mots dessus, qui va venir faire en sorte que jamais vous allez pouvoir retourner en arrière. C'est comme si on avait traversé une diode. Hein? On rentre dans un sens, on ne peut pas retourner en arrière. Le neurone marche exactement comme ça. Alors c'est un piège, gros entonnoir avec un petit trou, on rentre dedans, quand on vient pour sortir, ça ne sort plus. Ça nous oblige à ne pas pouvoir reculer en arrière. Est-ce que c'est ça qui amène la révolte? C'est ce qui va amener la révolte. Parce que maintenant on a une inhibition en face du chemin qu'on vient de suivre, on se retourne, on ne peut plus retourner. Comment se supporter si on ne peut plus retourner dans l'évolution psychologique? Il faut qu'on se donne des raisons. Pourquoi tu ne retournes plus? Parce qu'il y a une gang de caves. Ah, c'est une bonne raison. Parce qu'ils t'ont perdu, ils ne savent pas ce qu'ils vont. Parce qu'ils m'ont eu, parce qu'ils m'ont volé. C'est la révolte. Et la révolte va faire en sorte que tu vas maintenant commencer à rechercher de l'information. En recherchant, tu vas trouver un autre sentier. Tu vas croire au sentier. Tu vas rentrer dans la foi du sentier. Tu vas continuer jusqu'à la désillusion du sentier. L'inhibition face au sentier. La révolte face au sentier. On recommence d'étage en étage. Ce sont des processus par lesquels l'humanité, donc même chaque individu, passe. Est-ce qu'on doit nécessairement passer par ces phases-là ou on peut passer à côté? Puis se rendre directement à la révolte. Non, mais est-ce qu'on doit croire en quelque chose, avoir la foi, être désillusionné? Tu ne rentres pas à la révolte si tu n'as pas eu de désillusion puis si tu n'as pas eu d'inhibition. Ben, si la désillusion était face à la vie en général, puis que ça c'était une révolte, tu n'as pas besoin d'avoir passé par la foi d'un Dieu ben oui. Ou de pas. Non, tu as eu la croyance dans la vie, la foi dans la vie, tu as projeté ouais, dans la vie, des illusions face à ta vie. Inhibition, tu n'es plus convaincu que tu veux vivre. Révolte pour supporter ton inhibition, ça fera ça d'autres choses. C'est la même mécanique. Je ne parle pas juste d'une religion. Quelqu'un peut venir voir mes conférences. À un moment donné, il va croire que ça a de l'allure. Après ça, il va avoir la foi qui engendre le snobisme de l'évolution. Tout le monde, c'est une ligne de compte. Après ça, il va projeter. Projetant, il va peut-être se désillusionner. Alors, je pensais qu'en 3 semaines, qu'on arriverait à. Mais non, 3 ans. où je pensais que, etc. Il pensait qu'il perdrait tous ses cheveux comme toi en 3 semaines. Ça n'a pas marché, t'as perdu en une journée. Et puis, après ça, il y aura l'inhibition, où, oh, moi, là, c'est ces affaires-là, c'est ça. Donc, immédiatement, tu as le processus de révolte. C'est la marche habituelle, jusqu'à temps que l'être humain finit par intelligencer les choses. Il vient à un moment donné que notre révolte va commencer à s'estomper. Ben, les religions, là, pas si mauvais que ça, la preuve, il y a du monde qui y vont. Parce qu'il y a du monde qui y vont, pas tous des cons, tous des fous comme je pensais, c'est qu'ils ont un besoin. Tant que le besoin est comblé par les religions ou les sectes, c'est intelligent que ce soit là. Moi, je n'ai plus besoin de ce genre de discours. Mais ça ne veut pas dire que le discours est mauvais. Bon, alors là, tu commences à intelligencer, tu commences à vivre de l'initiation solaire, où tu n'auras plus besoin de passer par la croyance, la foi, la désillusion des dieux, l'inhibition et la révolte. Alors, tu commences à éliminer tes révoltes internes dans le début, puis tu essaies de cracher ou de vomir sur tout ce qui, à un moment donné, t'a amené à être ce que t'es. À laquelle de ces étapes-là on peut se faire manipuler au suicide? Est-ce que c'est à la désillusion ou avant la révolte ou pendant la révolte? L'inhibition révolte, c'est là qu'un individu peut se suicider dans son cheminement. La désillusion amène l'inhibition et la révolte. Donc, tu es inhibé face à la vie, désillusionné face à la vie, inhibé face à la vie, tu pourras peut-être te suicider. Je n'ai pas peur, vous ne suiciderez pas, c'est une question que je poserai comme ça, il n'y a rien à voir avec les cons. Non, c'est parce que dans la révolte, il y a plusieurs façons, d'après moi, d'aboutir au bout. Il y en a qui sont capables probablement de passer à travers relativement facilement, puis il y en a qui peuvent être révoltés puis ne pas voir l'explosion. Oui, mais ça dépend l'explosion. Toujours, c'est que si tu as eu une croyance pendant 5 ans, si tu révoltes après, ça va. Si tu as eu une croyance pendant 55 ans, si tu révoltes après, c'est beaucoup plus pénible. Uniquement à cause de l'illusion, je me suis fait avoir. Mais vous ne vous êtes pas fait avoir jamais. Vous sortez des témoins de Jéhovah, vous n'êtes pas fait avoir, vous rentrez dedans, vous ne vous ferez pas avoir. Les Krishnas, les Mormons, n'importe quel genre d'organisation, de l'ésotérisme, expérimental ou pas, vous ne vous faites pas avoir. Pourquoi? Parce que ce sont les outils, les éléments essentiels pour qu'à un moment donné, vous parveniez à la révolte. La révolte, c'est ça qui va faire en sorte que du collectivisme, vous allez finir par vous centrer sur vous-même, vous individualiser. Là, j'en ai marre de toutes les organisations, de tous les systèmes d'évolution organisés. C'est ça qui va arriver. Est-ce que c'est un genre de scénario, une grosse pièce de théâtre dans laquelle ils te font jouer jusqu'à temps de t'écœurer bien comme il faut? Oui, théâtre. Après. Théâtre. Sauf qu'à un moment donné, où il y aura la problématique des inhibitions, c'est que la personne va dire, bon, mais si je vais dans un endroit où on parle d'individualisme, puis on est 150 assis là, on peut être individuel dans sa conscience puis être une planète avec 5 milliards d'humains. C'est pas parce qu'on est plusieurs un côté de l'autre qu'on est collectif. On le voit dans le métro, tout le monde est assis un côté de l'autre, mais tout le monde est tout seul. Tout le monde est tout seul, mais son collectif pareil. Est-ce qu'il y en a un qui chante dans le métro? Ben non. Ça paraît très mal. À moins que tu mettes ton chapeau à terre, tu chantes. Ils vont comprendre le principe. C'est un collectif aussi. Mais essaye. Dans le métro, à un moment donné, moi j'ai vu à travers une fenêtre, plusieurs wagons, une femme qui était là, puis à un moment donné, elle s'en allait, puis elle est tombée. Bah! Tout le monde la regardait, personne ne bougeait. Mais non, parce que c'est quelqu'un bouge, tout le monde bouge. Et c'est une bonne idée, par exemple, on peut se mettre à chanter, on met nos chapeaux à terre, puis on s'autorise à chanter. Et puis bien chanter pareil, puis quand même, on s'autorise à le taper. En tout cas. Dans les 5 premières lois de l'évolution, qui amenaient la solution, il y avait refuser le vieux, accepter le neuf, marcher sur des œufs, discerner le monde de l'astral, le mental de l'astral, et s'autoriser à être. La première, refuser le vieux. Si on veut passer à une évolution facile, à l'évolution solaire, mais qu'on veuille ou pas, mais si on veut avoir une vie agréable à un moment donné, puis s'autoriser à se poser des questions, puis à remettre des affaires en question sans jamais souffrir, il faut refuser le vieux. Dans le vieux, il y a suffisamment d'informations intéressantes. Quand je dis refuser le vieux, ça ne veut pas dire cracher ou vomir sur le vieux. Dieu vous aime. C'est vieux, ça. Bon. Ça fait longtemps qu'il a arrêté. Qui charrie bien, châtie bien, c'est pas ça? Qui aime bien, châtie bien. Oui, en tout cas. On a beaucoup, beaucoup d'explications qui sont théologiques. Fouillez dans la Bhagavad Gita, dans le Coran, dans le Talmud, dans le Bhagavad, dans la Bible, dans n'importe quel livre sacré. Ça crée des choses. Mais l'humain qui est toujours en train d'essayer d'expliquer ce qui est neuf en fonction du vieux refusera toujours le neuf. Parce qu'il colorera toujours le neuf, il essaiera toujours de rendre normal le neuf. Mais le vieux n'est pas nécessairement désuet totalement. Le vieux n'est pas désuet, il n'est pas mauvais. Mais on doit le réinventer. Parce que là, il va nous appartenir. Est-ce qu'on le réinvente ou on l'améliore? On va nécessairement l'ajuster à nous. Donc, il sera amélioré. Si on ne le réinvente pas, il appartient à tout le monde, le vieux. Quand, à un moment donné, on dit, bon, une phrase bien facile, « Aimez-vous les uns et les autres », c'est intéressant. La journée que vous allez l'inventer, ben vous allez le rayonner. Pas comme les gens vont penser, parce qu'eux, ils l'ont appris puis ils l'ont coloré. On ne pensera pas que vous les aimez la journée que vous les laissez glisser sur la glace. Hein? Comme je disais à un moment donné, la petite vieille qui restait à côté de chez nous, elle montait ses paquets quand elle allait faire son épicerie. Moi, j'étais sur le balcon, je la regardais, puis je disais « Bonjour, ça va bien? » Oui. Mal élevé, tout ce que tu voudras. Mais non, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. À des sens évidents, je le regarde faire. Je l'aime. Puis les voisins ne comprennent pas. Sauf que les autres voisins, ils vont l'aider quand ils la voient, les autres, parce que les autres, ils ne l'aiment pas. Alors ils prennent ses paquets, puis ils montent les paquets en haut, puis la petite vieille mort, elle est contente. C'est ça le monde de la haine. Mais si elle est contente, c'est parce que ça fait son affaire. Ça fait pas son affaire. Parce que dans 2 ans, elle va être assez rachitique parce qu'elle n'aura jamais fait d'exercice, puis elle va se ramasser dans un hospice. Puis moi, quand je fais faire ses push-ups, parce que ses push-ups, c'est pour y aller avec ses sacs, elle monte les sacs, elle monte les escaliers, elle s'en va, elle fait de l'exercice. La journée que l'escalier est tout givré, elle fait aller ses lèvres en plus. Tout est complet, le corps, on va également regarder tout. Mais là, je l'aime. Aimez-vous les uns les autres, c'est pas nécessairement admis par le collectif. Mais t'as le tour d'aimer puis que ça paraisse pour toi. Oui, mais c'est utile et efficace, par exemple. Ouais. Je sauve mon énergie, je sauve son énergie. Est-ce que c'est parce que tu t'aimes plus qu'elle? Non, c'est parce que c'est intelligent. Ou que tu l'aimes égal? C'est parce que c'est intelligent, c'est écologique. La dame, elle mérite pas qu'on l'aide au détriment de sa santé. Mais ça serait bon pour tes jambes et tes poumons, toi aussi, de les monter. Je sens pas. Moi, je fais de la course, je fais du jogging, je fais en masse d'affaires. C'est ça, les push-ups qu'elle pourrait faire, je les fais. Je rame dans mon salon, j'en fais de l'exercice en masse. Mais elle doit en faire. Sauf que traditionnellement, plus tu vieillis, plus on te fait vieillir. Mais je ne dis pas que le fondement est bon, l'idée n'est pas là. Mais l'idée, c'est qu'on l'applique d'une façon vieillotte. On ne l'applique pas comme on devrait le faire. À l'époque où il fallait que la petite madame ramasse peut-être 350 livres de bois tous les jours pour allumer son foyer, on pouvait y en faire ramasser un petit peu puis ramasser le reste. Ça allait bien. Mais à un moment donné, on n'invente plus la tradition. La tradition reste traditionnelle, puis elle nous manipule. Elle nous manipule en fonction de la coloration par le bas de l'humanité du passé. On n'est plus dedans du tout. Refuser le vieux veut dire que là, tu sois pendu, je repars à neuf. Qu'est-ce qui est intelligent de faire? Est-ce intelligent de taper la gueule à tout le monde? Non, je le fais pas. C'est pas parce que c'est une loi de Dieu. Mais les réponses du neuf peuvent être, comme de raison, ils vont être différentes des réponses du vieux quand on se pose des questions. À cause qu'on les a colorés. Simplement. Mais l'accepter, le neuf, c'est de s'autoriser à agir en fonction de ce qu'on pense. Accepter le neuf, ça veut dire que quand on recommence à créer des choses, on s'autorise à y faire confiance. Accepter le neuf, ça veut dire être capable de laisser s'exprimer ce qui entrame, de ce qui tend absolument à vouloir être crié par nous. De temps en temps, il y aura des mécaniques astrales, des mécaniques involutives qui vont s'exprimer. Mais si on les laisse s'exprimer, on va les décoder et les découvrir immédiatement. Ils ne commenceront pas souvent. Si on les laisse rien qu'en penser, puis on hésite, puis on commence à mijoter, puis à penser, puis à réfléchir, puis à se demander. C'est la question. Quelqu'un est en train de se noyer, tu passes à côté, tu sais nager. Vas-tu le sauver ou non? C'est une vraie question que tu me poses? Oui. Oui. Ça dépend de sa grosseur. Ben, c'est déjà logique. S'il est de ma grosseur ou moins, oui, je vais essayer. S'il est plus gros, non. Sauf que si c'est son plan de vie de se noyer... Ben, peut-être que son plan de vie fait aussi que je devais passer par là. Oui. Puis l'assommer qu'on rentre. C'est ton plan de vie de te poser la question, savoir s'il va ou pas. Je vais demander combien il pèse. Si tu vas pour le sauver, puis il t'assomme à cause qu'il se débat trop... Ben là, c'était dans mon plan de vie de me faire ramasser par un noyé. Tu vas me demander si c'est ton plan de vie de te noyer ben, en sauvant quelqu'un. On va tous se noyer, là. Non, parce que moi, je dirais pas. Ouais. C'est pour ça, si je suis dans l'eau et que tu passes, on va tous se noyer, ceux qui sont là. Regarde, c'est quoi la problématique? Quand on commence à accepter du neuf, on commence à mentaliser. C'est bon, le mental, c'est l'échafaud pour supporter l'intelligence. Alors que l'astral, l'émotivité, c'est l'échafaud pour supporter le mental. On ne peut pas s'arrêter au mental, il y aura de gros problèmes. On ne peut pas s'arrêter à l'ego, à l'émotion, ou à l'astral, ou à la psychologie, c'est la même chose. Il y aura de gros problèmes. Alors toi, tu passes par là, puis là, il se noie. Là, tu as tenu, là, ça me rend pas, là, je sais pas quoi, là, bon. Mais là, je sauve-tu ou pas? Je sauve-tu ou pas? Je devrais-tu son plan de vie, son karma? Mon karma, qu'est-ce que je fais? Dieu va te l'envoyer en enfer. Oui, mais si Dieu veut l'appeler, puis je le sauve, Dieu va m'haïr. Mais si Dieu, il voulait que je le sauve, voir si j'étais prêt à risquer ma vie pour un autre, il va m'haïr, je le sauve pas. Que fais-je? Essaie de le sauver. Si tu le sauves, c'est réglé. Si tu le sauves pas, c'est réglé. Si Dieu est pas content, il y a bien qu'à faire pour ça ailleurs. Résume ça. Simplifie la vie. Simplifie l'évolution. Cesse de penser. Fait que tu penses pas, t'agis. Ben oui! Ben, je suis pas danger! Ça règle le problème. Ouais, mais on se culpabilise pas, on s'en fait pas, on vit comme il faut vivre. On pourra finir les prochaines, les cinq prochaines lois tantôt. Ben, on a déjà passé deux, là, mais il en reste trois. Marcher sur les œufs, discerner le mental de l'astral et s'autoriser à être. Parce que c'est ceux-là. Les œufs, ça se casse pas de même. En tout cas, on fait une petite pause, puis on va revenir là-dessus. Attends.